Amérique. Toute la famille dit son ami, son arsenic. Première classe, c'est qui les parents du paternique. Mais du mystique, ça c'est Academia. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. patron les brûle tous s'il faut. Quartier latin, Academia, Jackie et Pete sont en fuite. On s'en fout et pour la suite, on fait nos propres trucs. Personne fera notre chute, secteur à première classe, c'est ça l'équipe. De Kinshasa à Praia, de Douala à Brazza, contre les faux patrons, dans tout le monde on braille. Que les anciens laissent la place aux nouveaux jeunes, ouais. Je sais qu'on a trop de classe, c'est ça qui gêne, ouais. Trop de classe et on prend toute la place, on fait bouger les vieux jeunes. Bref, les gens de toutes les classes, ouais. Si t'es contre, les faux patrons crient. Si t'es avec Academia, crient. On aime que les gens réglent. Yeah. Bala, papa na camélia. Vaca tanga cabimota, batido. Commandant Jacques Kelly, Kamata Maman à Malinga. Paninga toko la baba la babota. Babo a katra pembeto na bango ya bo moana. Nazwa kaba prétenda mini. Kitoko ya bo moana eko sakinga. Na yeko ndima libala ya deuxième bureau. Kwayange na kozala kereze Zoka pasi nanga e bandye Papa Ali ya Merkao Chamu kumara Siye matumona Baninga toko la baba la babota Babu akadra pemeto na bango ya bomwana Nazwa kaba fretanda mingie Kitoko ya bomwana Academia Yamboli. Aïba pesa tolina makwela. Les alice baboti oyo babota biso. Version original mérite. Pechange zala sage. Fidélité à basi, c'est papa na maloba. Soni mingi wana mama soni. Soki bande koba yoki a solo oki manga. Kanga na bundesa. Kotsi kotsi mato. Majo silence d'or, Macani de Paris, Robert et Kintiona, Aromitoga, Cyril Kalema. Salamu Zoya Bimba, Bijou Bomaye, Claude Monia. Salamu Zoya, yo yo yo, Kim fait un service, Kodaka. Chitoko. Robert Pepele, à Bessengo. International Troyes. Kato Barthélémy Minamo Gaba Micho Minyengi Isaac Siampasi Yadina Mawali oh. Yadina Mawali Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Dinama Samba Dylan, la noblesse dans le sang, Simon Kilicho Freddy, tout un assemi délit. A des bouts congolais, il n'y pas le temps, il n'y pas le temps pour les dépendants. Des bouts congolais, à des bouts congolais, papa n'a pas congolais, maman n'a pas congolais. Henri Magie, j'ai du moins qu'à Serge Diarra. Je n'ai pas. papa na ma vie a ti la peau de Jean Crésoir. Yako Darmo Demona, José Daoni. Oya Mino Banaki ya moyo. baza babuna na yote kase na te akadega babuna na yote abarabwa Samantha dansa kole la kamusimana ye Ataba le bipa banga la prepere anigenda mahu Malgré la choka la mouve koyana sima mounu kutukano Amigembo Amigembo zani manuma mikembo yo Ashindro ya dudu Amigembo zani manuma mikembo yo Mwapi chale Amigembo zani manuma mikembo yo Oti amato yibo yo Zalina no mwana e Tika ko salanga boye na sliku Zalina no mwana moke Tika ko salanga boye na sliku